Alors on vit descendre du carrosse un monsieur vêtu d'un habit court à broderie d'argent, chauve sur le front, portant toupet à l'occiput, ayant un blafard et l'apparence des plus bénignes. Il reconnut le maire, M. Tuvache, à son écharpe et lui exposa que M. le préfet n'avait pu venir. Il était, lui, un conseiller de préfecture. Puis il ajouta quelques excuses. Tuvache y répondit par des civilités, l'autre sa voix confus. Le tambour battit, l'obusier sonna et les messieurs à la file montèrent s'asseoir sur l'estrade, dans les fauteuils à nutrec rouge qu'avait prêté Madame Tuvache. Tous ces gens-là se ressemblaient. « Moi, je trouve, dit M. Lheureux, s'adressant au pharmacien, qui passait pour gagner sa place, que l'on aurait dû planter là, demain vénitien, avec quelque chose d'un peu sévère et de riche comme nouveauté. C'eût été un fort joli coup d'œil. »« Certes, répondit Homais, mais que voulez-vous? C'est le maire qui a tout pris sous son bonnet. Il n'a pas grand goût, ce pauvre Tuvache. Il est même complètement dénué de ce qui s'appelle le génie des arts. » Cependant, Rodolphe, avec Madame Bovary, était monté au premier étage de la mairie, dans la salle des délibérations, et, comme elle était vide, il avait déclaré que l'on y serait bien pour jouer du spectacle plus à son aise. Il prit trois trabourets autour de la table ovale, sous le buste du monarque, Louis-Philippe, et les ayant approchés de l'une des fenêtres, ils s'assirent l'un près de l'autre. Il eut une agitation sur l'estrade, de longs chuchotements, des pourparlers. Enfin, monsieur le conseiller se leva. On savait maintenant qu'il s'appelait Lieuvin, et l'on se répétait son nom de l'un à l'autre, dans la foule. Quand il eut donc collationné quelques feuilles et appliqué dessus son œil pour y mieux voir, il commença.